Donc, ce matin, on va continuer cette étude merveilleuse de ce livre qui nous conduit dans le, moi j'appelle ça dans le futur, qui nous dit qu'est-ce qui va arriver. Hier, j'étais au restaurant en train de prendre un café. Il y avait un petit couple au côté de moi, puis moi, je suis bien écarnifleux. Savez-vous comment on m'appelait quand j'étais jeune? Faut pas enregistrer ça. La blette à nolette. Quel nom, hein? Quel nom. La blette à nolette. Bon, tu effaceras ça, Sharon. Donc, j'écoutais le petit couple, puis il était avec un journal, puis ils se lisaient mutuellement leur horoscope pour savoir qu'est-ce qui va se passer dans la journée. Qu'est-ce que maman, je ne sais pas qui, ou madame, je ne sais pas qui, disait aujourd'hui. Puis là, il y avait des grands yeux, puis il avait l'air de trouver ça formidable. Qu'est-ce qu'il leur disait? Ça semblait être positif, je n'entendais pas vraiment qu'est-ce qu'il disait. Mais j'ai envie de me lever et me dire, voulez-vous avoir un bon livre sur votre avenir? Mais j'ai été gentil, je n'ai pas fait ça. Non. Dans la première église à qui Jésus a parlé, dans l'église aux Éphésiens, il leur dit qu'ils ont perdu leur premier amour, qu'ils ont abandonné, pas perdu, mais abandonné leur premier amour. Dans la deuxième église, on voit que Jésus les encourage à accepter la souffrance. Il lui dit, tu vas souffrir pour une dizaine de jours, et plusieurs d'entre vous vont mourir, d'autres ont aimé, j'étais en prison. Mais il dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Mais si vous étudiez l'histoire de l'Église, si le diable ne réussit pas à arrêter l'Église par la persécution, ou par la mort, ou par les difficultés extérieures, la plupart du temps, ce qu'il va faire comme deuxième étape, c'est qu'il va infiltrer l'Église. Vous pouvez voir ça dans les Actes des apôtres. Vous vous souvenez ce que l'apôtre Paul a dit? Dans Actes 20, verset 28-29, il y a quelqu'un qui veut se risquer à lire ça? Quelqu'un qui veut lire Galates 2:4? Donc, pour la deuxième fois, il dit, « Vous rentrez des loups cruels parmi vous. » Ici, il dit, « C'est glissé parmi nous des faux frères. » Dans 2 Pierre 1 à 3, 2 Pierre 2, 1 à 3, quelqu'un veut lire ça? Et puis un autre dans 1 Jean 2, 18 et 19. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous savez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'ils soient manifestes. Que tous ne sont pas des nôtres. Jude, versets 3 et 4. Quelqu'un qui voudrait se lancer? Donc, comme vous venez de le voir, à plusieurs reprises, ça, c'est pas tous les textes, j'en ai sorti juste quelques-uns. À plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, il dit, il s'est glissé, il a dit sournoisement. Hein? Ça se fait jamais, boum, un dimanche matin, puis là, il rentre, puis brang, brang. Ça se fait toujours en douce. Et ce qui, des fois, me fait peur, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. Ici, ça, à chaque fois, là, ça a pris quelqu'un de l'extérieur pour leur dire qu'il y avait parmi eux autres des faux docteurs ou des faux prophètes ou des faux enseignants. Parce que ça se fait tout le temps, hein, douce. Savez-vous comment est-ce qu'on nous dit dans ce qu'on a lu, puisque j'ai étudié dans l'histoire de l'Église, hein, quand je faisais mes cours, hein, une Église, comme au Québec, qui a commencé dans les années 1950 à peu près, mettons, au Québec, ça va prendre à peu près 100 ans, 150 ans. Les églises baptistes au Québec vont être mortes. Et c'est de même dans tous les pays à travers l'histoire de l'Église. Ça prend à peu près 100 à 150 ans, l'Église meurt, il en commence d'autres aux côtés. Ça prend d'autres noms, mais ce n'est pas grave. Les noms, ça n'a pas d'importance, ça part à côté. Vous avez toutes les églises des années 1600, 1700, à peu près 1800, qui étaient très évangéliques. Si vous regardez aujourd'hui, ils ne sont plus évangéliques. Complètement, ils ont tout tranquillement. Il y a des baptistes aux États-Unis que jamais je j'irai dans leur église. Ils vont dire que Jésus n'a pas fait vraiment des miracles. C'est les apôtres qui ont écrit ça. Jésus, il y en a même qui vont dire que Jésus, c'est peut-être un homme super correct, mais on le met en doute qu'il était Dieu fait chair. D'autres églises baptistes vont dire, « Oh, vous savez, la Bible contient la parole de Dieu, mais ce n'est pas la parole de Dieu. » Donc, il faut t'en prendre, puis il faut que t'en laisses. Voyez-vous, quand, tranquillement, à travers les années, ça fait 150 ans, 200 ans aux États-Unis, que les églises évangéliques ont commencé, et tranquillement, ils se sont éloignés de la vérité. Et l'apôtre ici, mais Jésus, à travers l'apôtre Jean, parle à une église ce matin, puis c'est ça qu'il leur dit. Il y a des gens parmi vous qui ne devraient pas être là. Ne devrait pas être là. Allons voir dans l'Apocalypse, chapitre 2, ce matin, c'est verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Vous vous souvenez à quoi il fait référence? À la vision au début. Hein? Jean avait eu une vision de Jésus, puis Jésus, dans cette vision-là, avait une épée qui sortait de sa bouche. Là, il se présente de même. Voici ce que dit celui qui a une épée à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Mais au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balaak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou, il est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Donc, Jésus écrit une troisième lettre à l'église de Pergame. Je marquais que nous devons combattre les faux frères qui sont dans l'église. Alors, les faux frères et les faux sœurs aussi, là, ça va ensemble. Hein? L'église doit veiller. Éphèse était doctrinement très correct, mais avait plus d'amour pour Jésus. Ici, voici une église qui dit qu'il aime Jésus, mais qui, doctrinalement parlant, est complètement aux côtés de la coche. Donc, il faut veiller, en tant qu'Église, à la doctrine, à voir à ce qu'on écoute, ce qu'on entend, ce qu'on enseigne, est la vérité. Au verset Et pourquoi il faut faire ça? Pourquoi il faut veiller là-dessus? Parce qu'il dit au verset 12, première raison qu'il dit, parce que Jésus se prépare à les combattre. Jésus dit, j'ai un épée à deux tranchants dans ma bouche. Il se présente comme celui qui va combattre les gens. Et si on pouvait le voir dans l'Apocalypse 19, versets 15 à 21, Jésus va combattre les nations avec cette même épée-là. Jésus dit, j'ai une épée, et une épée, c'est faite pour combattre. Je crois que c'est une image. Je ne crois pas que Jésus a vraiment une épée qui sort de sa bouche. Je ne crois pas qu'il va descendre du ciel avec une épée dans sa bouche. Mais il parle d'une façon qui va combattre ces gens qui enseignent des faussetés. Et dans l'église ici de Pergame, comment est-ce qu'on est temps après que Jésus soit mort? 70 ans, peut-être à peu près. Peut-être après que Jean va écrire l'Apocalypse, des années à peu près 95, 96, on pense peut-être pas plus loin que l'année 100 après Jésus. Donc, Jésus est parti, mettons, en l'an 30, 33, il y a à peu près 70 ans. L'Église a commencé à Éphèse, puis à Pergame, dans ces coins-là, dans les années 60. Donc, il fait juste 40 ans que l'Église existait. Mais déjà là, on voit qu'elle prend une tangente, croche. Et Jésus avertit que je n'accepterai pas des gens qui parlent de moi, qui disent qu'ils m'aiment, mais qu'en même temps, ils enseignent des faussetés. Vous en connaissez des gens comme ça, je suis convaincu. Des gens qui pourraient vous dire, gros comme la terre, qui aiment Jésus, qui aiment Dieu. Mais pourtant, ce qu'ils disent de Dieu, ce qu'ils disent de Jésus, ce qu'ils disent du salut, ce n'est pas la vérité. Une fois, on avait un petit conflit dans une église de ce que j'étais. Et j'étais le pasteur à ce moment-là. Il y avait une chicane dans l'église. Et un pasteur de l'extérieur m'a appelé. Un homme d'un âge mûr. Dans ce temps-là, j'étais plus jeune qu'aujourd'hui. Lui était peut-être une soixantaine d'années, 65 ans. Moi, j'avais peut-être 40, 45 ans. Et il me dit, François, il dit, l'important, c'est qu'on s'aime. C'est pas important, vraiment. Des fois qu'on a des différences d'opinion doctrinale ou que... Là, je grichais des dents un petit peu. J'ai dit, monsieur, l'amour, ça n'existe pas. Ce n'est pas fondé sur la vérité. Il n'y a pas d'amour sans vérité. Jésus nous a dit que si je lui disais, je t'aime Jésus, mais je dis un paquet de menteries par rapport à Jésus, ce n'est pas de l'amour. Jésus n'acceptera pas ça. Imaginez-vous que vous dites à votre femme, je t'aime ma femme, ah que je t'aime donc gros, et tu te promènes dans la ville, tu dis n'importe quelle connerie sur ta femme. Ça fait un boomerang. Ça revient à la maison, ça, par la porte d'en arrière. Puis là, elle entend ça par le voisin, que tu as dit des affaires d'elle, et elle t'attend en arrière de la porte. Avec quoi? Elle le roule à pâte. Elle n'accepterait pas ça, que tu lui dises, je t'aime, puis en arrière, tu dis n'importe quelle connerie. Jésus est pareil. Jésus, il dit, tu ne peux pas me dire, je t'aime, et tu dis des mensonges à mon sujet. Si tu fais ça, je vais venir avec l'épée et je vais te combattre. Comme ceux qui disent qu'ils n'aiment pas Jésus du tout. Dire qu'on aime Jésus et qu'on dit des mentries, ou dire qu'on n'aime pas Jésus, c'est la même chose. Jésus va vous combattre, il dit qu'il va combattre les deux avec son épée qui sort de sa bouche. Donc, c'est un avertissement important d'essayer de travailler le plus possible en tant qu'Église, de garder la vérité et de transmettre la vérité à la génération qui s'en vient, ceux qui nous suivent. Bon, faut se consoler qu'on n'est pas seul là-dedans. Dieu est avec nous, le Saint-Esprit est avec nous pour faire ça. Mais c'est notre désir, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on met notre effort le plus, de travailler et de transmettre la vérité à ceux qui nous entourent. Au verset 13, Jésus dit qu'il connaît notre fidélité, mais que cela n'est pas suffisant. Il dit au verset 13, il dit, je sais où tu demeures, je sais que là où est le trône de Satan, tu retiens mon nom. Tu n'as pas régné la foi, ma foi. Mais même au jour où l'Antipas était persécuté et tué, tu es resté fidèle. Tu dis, nous autres, on reste, c'est pour garder Jésus. Donc, c'est l'Église qui gardait le nom de Jésus, qui disait, professait Jésus. Mais en même temps, il dit, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Tu dois réagir à ça. Qu'est-ce qu'il dit là? Il dit, je sais que tu vis dans le monde où est-ce que Satan est là. Tu vis dans un monde où est-ce que Satan est à l'entour de toi. Il dit, tu demeures. Là, je ne sais pas pourquoi il dit ça, je n'ai pas trouvé, j'ai lu un paquet d'affaires sur ce sujet. Il dit, c'est là que le trône de Satan est là. La demeure de Satan est là. Donc, tu dis, pourquoi il dit plus là qu'ailleurs? En tout cas, une chose est certaine, ça te va barder. Si le trône de Satan était là, sa demeure était là, ça devait être difficile pas pour rire dans ce coin-là, pour les chrétiens. Mais une des choses qu'on sait, c'est que le temple de l'empereur, dans cette ville-là, il y avait un gros temple à l'empereur. Et il y avait un autel au dieu Zeus dans cette ville-là. Et la Bible, l'histoire nous dit que le temple pour l'adoration de l'empereur, c'était le plus gros et le plus beau de tous les temples de l'Empire romain. C'est peut-être pour ça qu'il fait référence, qu'à cause de cet immense temple et cet autel qui était immense, dédié au dieu Zeus, c'est peut-être ça qui parlait que l'idolâtrie était pas mal forte dans le coin. On pourrait dire que dans les années 50-60 au Québec, il y avait des grosses églises partout. Il y en avait des églises. Tu te promenais en campagne, puis par-dessus les arbres, il y avait toujours un petit pignon qui dépassait. Et il y en avait. Il disait que dans l'Amérique du Nord, c'était au Québec qu'il y avait le plus d'enseignements catholiques fortes. Et vous savez comme moi que dans les années 40-50, on disait tout le monde est catholique au Québec. C'est très fort le catholicisme. Comme j'avais même entendu, je ne sais pas si c'était une vérité qui venait de Rome, mais j'avais même entendu qu'on voulait déménager le siège ici au Québec. Fait que le pape ici soit spécial au Québec. Ça me surprendrait. Je ne penserais pas ça parce que il y a une prédiction qui dit dans l'Apocalypse, hein? Vous allez voir, mais qu'on étudie dans un chapitre plus loin, là. Il va parler de la ville qui est bâtie sur les sept collines. C'est vous que c'est Rome, ça? Rome est bâti sur sept collines? Ah, ça se peut bien. Où ça? À Montréal, à l'hôpital Saint-Joseph, à Montréal. Donc, dans ce temps-là, il y avait le dieu Zeus était le dieu de la température, il était le protecteur de la loi et de la justice, c'était le dieu suprême, le père des dieux. Il y avait un dieu aussi qui s'appelait Asclépius, le dieu de la médecine, qui était représenté par un... Le dieu de la médecine est représenté par un serpent. C'était le dieu de la médecine. Il l'appelait Asclépius. Mais encore aujourd'hui, vous savez que la médecine, c'est un serpent, hein, c'est un bâton. Mais ça vient, c'est vous le saviez? Ça vient surtout du temps où Moïse a fait un serpent d'airain et avait mis ça sur un bâton, et que tout le monde qui l'a regardé était guéri. Ils ont gardé ce vieux symbole-là pour représenter ça. Je ne pense pas que les médecins adorent les serpents sur un poteau, mais c'était juste un symbole. Mais dans ce temps-là, c'était une ville avec une très, très forte idolâtrie. Donc, plus une ville est zélée pour leur Dieu, plus elle va s'attaquer à la vérité. Et c'est pour ça que je crois qu'ici, que Jean ou Jésus, pas l'apôtre Jean, nous dit que Satan avait son trône, là, sa demeure, là. C'était des gens très idolâtres. Et il dit, je sais que ce n'est pas facile pour toi. Et je sais que tu as gardé mon nom et tu as accepté de mourir, même Antipas te fait mourir, ça fait te tuer là-dessus. Et on peut lire dans certaines lettres anciennes la vie d'Antipas, qui est vraiment mort pour la foi, brûlé à ce moment-là à cause de sa foi. Et les chrétiens ont tenu ferme. Les gens qui se disaient croyants ont tenu ferme. Mais là, Jésus, on pourrait dire, hey, c'est une bonne église. Une église fantastique. Mais le verset 14, il y a toujours un petit truc qu'on dit, oui, mais, j'ai quelque chose contre toi. Je t'aime bien, ma femme, mais, et là, elle sait qu'elle va recevoir le pot. Les fleurs étaient venues avant, mais le pot va arriver. Ça fait mal. Hein? Oui, je suis content que tu aies fait ça, mais, là, on sait quelque chose de négatif qui s'en vient, hein? Jésus dit, je sais que tu étais fidèle, même jusqu'à la mort à certains points, mais j'ai quelque chose contre toi. il y a des, dans ton milieu, il y a des faux frères. Il y a des gens qui ne prêchent pas la vérité et tu les acceptes. Quel qu'il y en ait parmi nous, ça fait partie de la game. Qu'on les accepte, ça ne devrait pas faire partie de la game. Donc, il va toujours en avoir. On ne peut pas les empêcher d'entrer. Mais la Bible, ce que Jésus nous encourage ce matin, ce qu'il veut nous encourager, c'est de les voir, de les reconnaître et faire de quoi avec ça. Ne pas les accepter. Et il parle de Balaam. N'as-tu qui se souvient de l'histoire de Balaam? Balaam, on parle toujours en même temps que Balaam, on parle de l'âne qui parlait. Balaam est un prophète de Dieu. La Bible nous dit qu'il est un prophète de Dieu. Il parlait de Dieu. Et il avait une réputation, cet homme-là, que s'il bénissait quelque chose, ça allait bien. S'il maudissait quelque chose, ça allait mal. C'est sa réputation, Balaam. Fait que Balak, qui était le roi à ce moment-là, voit sortir Israël de l'Égypte. Israël s'en vient au pays de Canaan pour prendre possession du pays de Canaan. Balak, il veut venir, une armée de 3-4 millions de personnes qui s'en vient. Ils veulent prendre possession de son pays. Et Balak, il dit, il appelle Balaam sur son téléphone, puis il dit, Balaam, viens ici. Il dit, viens ici, j'ai besoin de toi. Fait qu'il envoie des serviteurs, on va revenir, il envoie des serviteurs plutôt, il dit aux serviteurs, il dit, allez chercher Balaam pour qu'il vienne maudire ce peuple-là et qu'on puisse les battre. Fait qu'il va voir Balaam, et quand il arrive au roi Balaam, il dit à Balaam, hey, tu peux-tu venir? Balaam dit, attendez, là, je ne vais pas faire une niaiserie, je vais aller m'informer à Dieu, avant s'il veut que j'y aille ou pas. Fait qu'il s'en va dans un petit coin, il parle avec Dieu, il prie Dieu, il dit à Dieu, je dois-tu y aller ou pas? Dieu, il dit, ce peuple-là, c'est mon peuple, tu ne touches pas à ce peuple-là, c'est mon peuple. Tu fais rien contre ce peuple-là. Balaam s'en va aller. Tout bad. Parce qu'il avait eu des promesses, hein, des argents promis, de la prospérité, une belle place. Il dit, non, je ne peux pas y aller, Dieu ne veut pas. Fait qu'il s'en va. Il revient quelques jours après avec une plus gros portefeuille, des plus grosses, la gloire plus grande. Il lui offre encore plus. Viens. Et là, il va revoir Dieu une deuxième fois. Dieu dit, tu veux y aller? Vas-y, mon vieux. Mais Dieu ne voulait pas. Il dit, tu veux y aller, vas-y. Dieu t'a pas changé en mal, le bien. Non, changé en bien le mal qu'il voulait faire. Fait qu'il part pour y aller. Et là, Dieu l'arrête en s'en allant. Puis il embarque son âme, puis il s'en va. Puis il fait que l'âme, elle se tête sur les murs, tu sais, là, tranquillement. Finalement, Balaam tombe à terre. Et là, Dieu se sert de l'âme pour parler à Balaam. Là, mon Balaam, il allait un peu fou, hein. Il couche à la terre, puis l'âme commence à lui parler. Et il dit, je pense que je me suis cogné à la tête un peu fort. Pas tout à fait la même. Donc, Dieu dit à Balaam, tu vas y aller, mais tu vas dire seulement ce que je te dis de dire. Fait que, il dit, va. Et quand il arrive au roi Balaam, il dit, OK, regarde, là, il voit tout le peuple, il est sur une montagne, il voit tout le peuple d'Israël. Il dit, maudis-le afin que je puisse le battre. Mon Balaam, il se vire de bord, puis au lieu de le maudire, il le bénit. Ah, mon Balak est enragé noir. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais dit de le maudire, puis tout ça. Fait que là, il vire de bord, puis il l'amène à une autre place. Parce que là, il ne pouvait pas tout le voir, il y avait trop de monde, 3 millions de personnes, ça ne se voit pas tout d'une place. Il l'amène sur un autre hôtel. Puis là, il dit, maintenant, là, maudis-le. Puis là, mon Balaam, il dit, attends, faut que je parle avec Dieu un petit peu. Puis là, il revient, puis il bénit le peuple encore une fois. Puis il fait ça plusieurs fois, puis là, mon Balaam, il dit, va-t'en, d'ici, ça presse. Il dit, tu as béni mes ennemis. Mais Balaam est utilisé partout dans le Nouveau Testament et dans le Testament pour montrer que c'est un homme qui s'est laissé tomber par désir d'argent. Vous marquerez dans la Bible, tout le Nouveau Testament, à chaque fois vous allez voir faux docteurs, à chaque fois vous allez voir faux prophètes, faux enseignants, vous allez toujours voir en même temps qu'ils le font pour l'argent. On a vu ça tout à l'heure, hein? Par désir de cupidité. C'est toujours pareil. Regardez toutes les religions fausses, il y a toujours une question d'argent en arrière de ça. Et Balaam était utilisé par Dieu ici pour dire, il y a des gens parmi vous qui sont comme Balaam, qui veulent entraîner les gens loin de Dieu. Ils vont prendre ça, puis ils vont vous dire que, ah, si on ferait ça, si on ferait pas ça, si on ferait ci, peut-être que ça irait mieux, peut-être que Dieu nous bénira plus, peut-être qu'ils vont essayer de vous en faire whopper, comme on dit en québécois, pour vous emmener loin de la vérité. Faites attention à ça. Je me souviens une fois, j'avais parlé avec un homme religieux, puis j'avais dit, écoute, dans ta religion, ça prend de l'argent. Si on n'a pas d'argent, Dieu ne nous bénit pas. Il faut toujours payer. Il faut toujours donner pour que Dieu nous bénisse. Ce n'est pas normal, ça. Jésus a dit, je vous ai donné gratuitement, donnez gratuitement. Pourquoi vous chargez toujours? Et la chose qui me surprend toujours le plus, quand cet été, j'ai marié un petit couple à Mont-Tremblant. Ils sont venus me voir avant qu'on aille trop loin. Ils ont pris leurs précautions. Ils ont dit, comment tu charges? Ils ont pris leurs précautions. Comment tu charges? J'ai dit, c'est gratis, ça. C'est gratis, ça. Et ça les impressionne beaucoup. C'est gratis. Il dit, pourquoi je vous chargerais pour signer un papier? Hein, ça va prendre 5 minutes. Pourquoi je vous ferais payer ça? Puis même si vous venez à notre église, ça nous fera plaisir de vous aider. Ils sont bien impressionnés par ça. Parce que, absolument, ailleurs, ça charge pas mal. Ça charge pas mal. Puis elle dit, comment ça, vous faites ça gratis? Bien, j'ai dit, écoute, nous, on le fait parce que Dieu nous a demandé de le faire gratuitement. Si vous voulez faire des cadeaux, vous en faites des cadeaux, qui vous voulez, mais nous, on ne change rien. C'est votre décision personnelle ce que vous voulez faire. Et je crois qu'il dit, parmi vous des Nicolaïtes. Il dit ça au verset un peu plus bas. Mais il dit, comme dans Balaam, il dit, vous autres, vous avez parmi vous des Nicolaïtes. Et quand j'ai lu l'histoire, je ne trouve rien sur les Nicolaïtes. Il n'y a rien. J'ai lu tous les livres, j'ai allé plus loin, on ne trouve rien. Mais ce que Jésus dit, je ne les aime pas. Les Nicolaïtes. Ils sont comme les Balaam. Tout ce qu'ils veulent, c'est vous détourner l'Église de la vérité. Donc, ce que nous devons faire, nous autres aussi, en tant qu'Église, c'est de faire attention, de ne pas se laisser entraîner. S'il y a quelqu'un dans l'Église qui enseigne des vérités qui sont contre le Dieu, contre Jésus, contre le salut, il nous faut réagir. Je me souviens que j'étais une fois à Victoriaville. Il y a un homme, quelques hommes sont venus à l'église et dans la semaine, ils ont téléphoné les chrétiens. Je ne sais pas comment il y avait eu le nom des chrétiens. Il y avait eu le nom des chrétiens. Ils sont allés dans les maisons des chrétiens. Ils arrivent, c'est le mercredi soir, ils arrivent à l'église le mercredi soir, ils ont prière. Trois bonhommes. Je dis, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils font? Je suis allé les voir après la réunion. Je dis, êtes-vous so-and-so qui est allé voir les chrétiens dans les maisons? Ils disent, ouais. Je pourrais-tu vous rencontrer demain matin, s'il vous plaît? Je vous paye le déjeuner. On est tous allés manger ensemble au restaurant, c'était toi puis moi. Et là, j'ai dit, écoutez, moi, je suis heureux que vous venez à notre église, mais ce que j'ai entendu, peut-être qu'ils ont mal compris les chrétiens, mais j'ai entendu des choses qui, pour moi, ne vont pas vraiment avec la Bible. Ils ont commencé à me parler. Et pour être sauvé, il faut la croire en Jésus. Mais en plus, il faut la baptiser quelqu'un d'autre. Si toi, tu ne baptisais pas quelqu'un d'autre à ton tour, tu ne pouvais pas être sauvé. Là, tu étais baptisé, tu étais sauvé, mais il fallait que tu n'en conduises un autre au Seigneur et le baptiser aussi à son tour. Si tu ne faisais pas ça, tu n'étais pas sauvé. Ah, bon, OK. Puis après ça, j'ai continué à parler et finalement, ils m'ont dit qu'ils croyaient juste aux 4 évangiles. Toutes les épîtres, après, ils ne croyaient pas à ça. C'était faux, ça. Ils croyaient juste à l'enseignement de Jésus dans les évangiles. Dans juste un sens. Mais j'ai dit, nous, on ne croit pas ça. Ce que vous enseignez par rapport au salut, ce n'est pas vrai. Nous, on ne croit pas ça. Si vous voulez y croire, c'est bien beau, mais vous ne pouvez pas venir à l'église avec nous autres. On n'acceptera pas ça. Puis là, je les ai dit, dimanche, ce qui va venir, je vais m'adresser à toute l'église. On est une église de 250, 275 dans ce temps-là, très vite. Puis je vais vous nommer par nom, puis je vais vous dire aux chrétiens que vous êtes des faux docteurs. Je ne vous encourage à pas être là, parce que ça va vous faire honte. Ça ne va peut-être pas aimer ça, mais je vous le dis d'avant, je vais le faire. Puis il était là, pareil. Ils sont venus pareil le dimanche matin. Moi, je lui ai parlé de ça après le déjeuner. Et le dimanche matin, j'ai dit à l'église, il y a 3 personnes ici, je ne vous ai pas appelé des frères, j'ai dit, 3 personnes ici, voici ce qu'ils enseignent. Patard. Bien gentiment, sans gueuler, sans crier. Et nous, on ne croit pas ça. Et je vous encourage, frères et sœurs, à ne pas avoir de relation avec ces gens-là, à ne pas les accepter chez vous comme des frères. Ce n'est pas des frères dans la foi. sont levés et sont partis. C'est notre rôle de protéger l'Église de la fausse doctrine. Donc, si vous entendez des choses de même, si vous voyez des choses de même, on doit réagir en tant que. Ce n'est pas un manque d'amour, c'est plutôt de l'amour. On veut protéger les chrétiens, mais aussi on veut avertir ces gens-là qui ne sont pas dans la vérité. Ils ne sont pas dans la vérité. Donc, c'est des choses qu'il nous faut faire. Au verset 16, Jésus dit que Jésus va les frapper de son épée. L'épée a frappé Balaam. Écoutez bien ceci. Dans Josué 13, verset 22, « Parmi ceux que tuèrent les enfants d'Israël, ils avaient aussi fait périr par l'épée le devin Balaam, fils de Béor. » Un jour, quand Israël a été attaqué, déjà là, Dieu avait donné la responsabilité à Josué et à travers les Juifs de tuer Balaam parce que c'était un faux prophète. Balaam, vous savez, Dieu l'a forcé à bénir Israël, mais aussitôt qu'il était viré de bord, il a continué à faire ses crocheries pour recevoir de l'argent pour ces choses-là. Non, Balaam était un religieux, mais pour ce que ça rapportait financièrement. Un peu comme Simon le magicien dans le Nouveau Testament. Hein? Simon le magicien, il dit, « Je vais vous acheter ça, là, Pierre, je vais te donner de l'argent pour que tu me donnes le don, pour que tu déposes les mains et que le monde reçoive cet esprit. » Pierre dit, « T'es bien mal pris, moi, Simon. Tu fais ça pour de l'argent? C'est pas bon. C'est pas bon. » Donc, il dit que l'épée va frapper les Nicolaïtes, et l'épée va frapper tous ceux qui suivent les Nicolaïtes, et les gens comme Balaam et les faux docteurs. Vous savez qu'est-ce que Jean dit tout à l'heure? Il dit, il y en a qui sont parmi nous, qui vont, je me souviens toujours une fois, j'étais à Vitréville, au début des années, ça faisait peut-être 4-5 ans, j'étais à l'église, là, ça faisait peut-être 2 ans que j'étais un jeune, on appelait ça dans ce temps-là un serviteur en formation, un pasteur qui apprenait à devenir pasteur. Il est arrivé un homme à l'église, un homme super gentil, à peu près 24, 25 ans. Un jeune homme vraiment gentil, une bonne connaissance de la Bible, à ce qu'on pouvait voir. Il s'est intégré dans l'église tranquillement, il s'est infiltré dans l'église. Puis on l'a accepté comme frère, il fonctionnait bien, puis ce qu'il disait était correct. Et finalement, il a marié une sœur de l'église. Et quand il a marié cette sœur-là, quelques mois après, on s'est rendu compte, les dirigeants, mais le frère de cette femme-là, qui avait été marié, était aussi pasteur avec moi. En apprentissage, on était deux. On apprend qu'il fait des réunions chez eux le soir, avec 5-6 chrétiens, 7-8 chrétiens. Ce qui ne nous aurait pas énervé plus que ça, jusqu'à temps qu'on commence à entendre des choses bizarres qui se passaient dans cette cave-là. Et finalement, ben là, moi, puis le frère de la femme, puis un autre jeune homme, qui est pasteur aujourd'hui aussi, on l'a demandé pour le rencontrer et à parler avec lui. C'était un 9-26 du 7e jour. Et il est parti d'église après ça, parce qu'il ne croyait pas au salut comme nous. Et pas la même compréhension de nous que Jésus a aussi. Il est parti avec 7 personnes de l'église. Et ces personnes-là, un peu plus loin, quand on les a rencontrées individuellement, parce qu'ils les montrer, ils ont nié le salut en Jésus-Christ comme on le croyait. Savez-vous que ce que la Bible nous dit, ils sont sortis du milieu de nous pour démontrer qu'ils n'étaient pas avec nous. C'est que Dieu a utilisé ça pour montrer que ces gens-là n'étaient pas des nôtres. Ils sont partis. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde qui passe ne sont pas des chrétiens, là. C'est qu'en leur parlant, ils ont dit un peu plus tard que Jésus n'était pas comme ça, puis Jésus ne sauvait pas le monde comme ça, puis il fallait être sauvé, pour être sauvé, il fallait faire certaines choses. Puis, donc, il avait renié le salut par la grâce en Jésus seul. Finalement, Jésus dit, si vous continuez dans cette direction-là, je vais vous combattre avec mon épée aussi. Si vous suivez les faux docteurs, c'est parce que vous n'êtes pas mes enfants, tout simplement. Parce qu'un verset dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, qui dit quoi? Mes brebis entendent ma voix, et ne suivront jamais la voix d'un étranger. Un enfant de Dieu ne suit pas la voix des étrangers. Il suit la voix de son maître, de son berger. Je crois que Dieu, ce qui me réjouit le plus, ce qui me donne la confiance que les chrétiens vont persévérer, c'est que Jésus s'est engagé envers eux autres, de les garder, de les protéger des faux docteurs, des faux bergers, puis des mercenaires, puis tout ce que vous voulez. Jésus nous garde, c'est lui notre berger. S'il laisse partir c'est parce qu'ils ne sont pas de ses brebis. Ils ne sont pas de ses brebis. OK, ils laissent partir. Je ne vous dis pas qu'ils n'essayent pas de les garder, puis qu'ils n'essayent pas de les aimer, puis de leur faire du bien, puis qu'ils acceptent le Seigneur. Mais s'ils ne veulent pas, ils laissent partir. Mais les enfants de Dieu qui sont là, qui sont attaqués par ces loups-là, ils disent, je vais vous protéger. Mais tout aussi, on a notre rôle à jouer. Il faut veiller, il faut surveiller, il faut questionner. Donc, si un jour, vous en entendez parler, si un jour vous voyez ça dans l'Église, dites-moi-le. Peut-être que vous avez raison, peut-être qu'on va s'assurer ensemble pour vous apporter. Ah non, c'est pas ça. Des fois, on peut se tromper dans ce qu'on fait. Mais c'est en mettant ensemble une gang, en en parlant, qu'on ferait pas voir si on a raison ou pas. Des fois, tu peux dire des choses, puis je comprends mal ce que tu dis. Mais c'est en se parlant qu'on va se comprendre, tout simplement. Mais il faut faire de quoi? Il ne faut pas laisser ça aller. Parce que tranquillement, si on laisse aller, au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, l'Église est rendue dans le champ de patates. Bibliquement parlant. Donc, il faut se parler. Il faut questionner. Et si je dis des choses que vous pensez qui n'est pas biblique, vous avez le droit, vous savez. Vous avez le droit de me reprendre, de me voir et me le dire. Mais je vais discuter avec vous, bien entendu. Je ne vais pas juste faire dire, OK, si tu le dis, ça doit être vrai. Non, je vais discuter un petit peu avec vous autres. Il va falloir que vous allez essayer de me convaincre que vous avez raison. Hein? La dernière, au verset 17, pourquoi il faut combattre les faux frères? Pourquoi il faut combattre pour la vérité? Le verset 17 est formidable. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises, je peux le mettre là si vous voulez, celui qui vaincra, ça veut dire celui qui va chasser les Balaam, chasser les Nicolaïtes, qui va garder la vérité, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou, un nom écrit, un nom nouveau, que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Donc, il y a une promesse là. Il dit à celui qui va combattre, qui va garder la vérité, il va donner quoi? La manne cachée, un caillou blanc et un nom nouveau. Vous savez que dans l'histoire, quand on lit l'histoire dans l'Ancien temps, au temps de Jésus, au temps des apôtres au début, effectivement, dans certaines places, on écrivait le nom des personnes sur un petit caillou blanc. Un peu comme nous autres, on dirait un badge avec notre nom dessus. Et souvent, quand dans ce temps-là, il dit, je vais vous donner un petit caillou blanc avec votre nom dessus. Ça, c'est Jésus qui dit ça. Pour montrer que vous êtes fait partie de mon peuple, vous m'appartenez. Dieu dit, celui qui va vaincre, à un moment donné, je vais donner la manne cachée. C'est la nourriture spirituelle. Hein, c'est la nourriture qui donne la vie. Et je vais vous donner un caillou blanc. Je vais vous donner un nom nouveau pour montrer que vous avez fait partie de moi, partie de mon peuple, fait partie de... Vous rentrez dans la ville nouvelle, vous rentrez dans la nouvelle Jérusalem. Vous allez faire partie des nouveaux cieux, nouvelle terre. Mais il dit, vous devez, pour ça, combattre. Vous devez combattre les faux docteurs. C'est à l'Église de prendre ses responsabilités à ce moment-là. Souvent, j'encourage le mercredi soir, ceux qui sont là ensemble, on prie ensemble presque tous les mercredis soir, « Seigneur, aide ceux qui enseignent. Garde ceux qui enseignent. » On parle de Mont-Tremblant, mais on parle aussi en même temps pour les autres dans le Québec. Ceux qui sont chargés de l'enseignement surtout, garde-les, protège-les, guide-les. J'ai déjà dit ça une fois, si vous ne priez pas pour ceux qui enseignent, vous n'avez pas le droit de les critiquer. Je leur disais, je n'allais pas pour eux autres, si vous ne priez même pas pour eux autres. Non, mais on devrait s'engager dans l'Église, à prier quotidiennement pour Sharon qui enseigne David, pour Lucie, pour Joanne qui enseigne les enfants, pour moi qui enseigne les adultes, pour qu'on puisse garder la vérité. Puis on doit prier quand vous lisez votre propre Bible à la maison, quand vous lisez un livre qui dit chrétien, qui l'est peut-être, qui l'est peut-être pas non plus. Quand vous écoutez des sermons, d'autres enseignements, de d'autres églises, je vous encourage à le faire, ça ne me dérange pas que vous le faites. Prions ensemble. Seigneur, montre-nous la vérité. Seigneur, garde-nous de la vérité, dans la vérité. Protège-nous de ces hommes-là, de ces femmes-là, qui peuvent nous dire des choses qui ne sont pas vraies. On a besoin de l'aide de Dieu, n'est-ce pas, pour le faire? Et on ne peut pas le faire tout seul sans qu'il nous aide. Donc, que le Seigneur puisse nous aider à faire cela. Et que le Seigneur puisse nous aider à se garder de l'idolâtrie. Est-ce qu'un chrétien peut commettre de l'idolâtrie? L'apôtre Jean a dit ça à la fin de son évangile. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Donc, il faut combattre ça. Ils sont là dans nos vies, ils viennent. Il faut les combattre, il faut prier, il faut demander l'aide à Dieu, il faut réagir devant ça, afin qu'on puisse garder toujours cette vérité qui est en Jésus-Christ. On va terminer avec cela. Prions ensemble. Notre Père du ciel, c'est un avertissement très fort que tu as fait ce matin à l'église de Pergame et à nous autres aussi en tant qu'église aujourd'hui. À travers l'église, l'histoire de l'église depuis 2000 ans, nous avons vu des églises naître et nous avons vu aussi des églises mourir. Nous avons vu des églises proclamer la vérité pendant un certain temps et après proclamer des faussetés. Mais ton Église persiste toujours, ton Église fonctionne toujours, ton Église à toi que tu bâtis, peu importe le nom qu'elle peut avoir. Seigneur, nous te prions que tu puisses nous aider en tant qu'Église ici à Mont-Tremblant, à toujours se battre pour la vérité, à jamais faire de compromis avec la vérité. On te demande que tu nous donnes du discernement, Seigneur. Quand nous lisons nos Bibles, quand nous écoutons la télévision sur des programmes religieux, quand nous lisons des livres, quand nous écoutons des chants, quand nous parlons avec d'autres frères, d'autres personnes qui se disent chrétiennes, qu'on soit toujours animé de ton Esprit Saint pour qu'on puisse de discerner qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. On ne veut certainement pas être parmi ceux que tu veux combattre avec l'épée qui sort de ta bouche. Garde-nous en toi, Seigneur, toujours. Parce que nous voulons un jour, quand on va se présenter, que tu nous donnes cette manne cachée, cette nourriture qui donne la vie éternelle. On veut recevoir cette petite pierre blanche, ce petit badge avec notre nouveau nom dessus. Nous voulons cela. Mais tu nous dis de combattre. Tu nous dis de veiller et on te demande ton aide parce que c'est notre désir. Et c'est en proclamant la vérité que tu seras glorifié. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. OK, on va se lever pour chanter le dernier chant. Est-ce que tu mets le chant sur le CD? Un chant qui va dire, qui parle, chant de victoire. Avec Dieu, on fera des exploits. Donc, il faut rester attaché. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, ce qui écrase l'ennemi, chantant et criant la victoire. Bonne semaine à chacun. Mes frères et sœurs.